Innocence de Esteban H. Lu par Fred pour audiocité.net. Vivons la scène, macabre. Une chambre, un couple, homme, femme, dans leur lit, gisant sur leur drap taché, baigné dans une mare rouge vermeille, du sang. Un enfant, 20 ans, accroupi près du lit, pleurant les larmes de son corps, pas un son ne sort. Cet enfant, c'est moi, Henri. Mes parents étaient toute ma vie, mon univers. Sans eux, que suis-je? Que vis-je? Autour de moi commencent à s'agiter des bruits, des pas. Des mots sont dits, on me soulève. J'ai peur, je m'agite, on me bouscule. La morsure du froid étreint mes poignets, on me guide. Je ne comprends pas, je ne comprends rien, je ne dis rien. La presse titre, l'horreur et son enfant. Mais ne comprend rien à rien, elle non plus. Des effets de style, pour annoncer au monde entier que je suis un assassin. Le meurtrier de mes parents, l'indigne enfant. Et pourtant, le juge ordonne une enquête approfondie. Elle veut savoir comment un enfant, comme moi, se retrouve face à une telle accusation. Ce sont les inspecteurs Paul Harrison et Emily Sand qui sont en charge du dossier. L'affaire est loin d'être classée, bien loin. Cet enfant que je suis, au QI de 150, est artiste, potier. On me dit doué, je le suis, dans tous les sens du terme. J'exprime au travers de mes figures le mouvement, les 5 sens en mouvement. Mais comment fait un enfermé dans son monde pour exprimer toutes ses formes, à la fois spontanées, vivantes, expressives, mystères? La psychologue, mandatée sur mon propos, est face à un mur. Impossible de me toucher, de discuter. Mon dossier de santé est somme toute banal, mis à part cet événement, cet autre événement qui a fait de moi ce que je suis devenu, en grande partie. 10 mois de soins intensifs, j'ai vécu. Mais le vit-on réellement? 10 mois de coma, et un réveil, flou, où plus rien n'était comme avant. Mon père, Joël, ma mère, Geneviève, depuis m'ont entouré de soins, d'amour, comme nul avant, je focalisais leur attention. Ils vivaient ma souffrance, une souffrance qu'ils pensaient mienne, ils ne pouvaient se douter. Un corps enfermé dans une prison, un esprit ayant la nécessité de s'exprimer, mais enchaîné par la triste réalité de l'handicap. Sourd, aveugle, je me souviens des couleurs, des formes d'antan. J'entends encore le son, comme s'il venait d'être émis. Je vis, au travers de mes doigts souverains, cela même qui exprime mes désirs par la glaise, cela même qui façonne l'existence, mais pas la vie. J'avais 10 ans. On a retrouvé l'arme du crime entre ses mêmes doigts. 10 coups de couteau, chacun. 1 pour chaque doigt. 1 pour chaque an. L'arme avait mes marques, celles de mes 10 doigts. Et pourtant, je ne me souviens de rien. Juste la douleur derrière la nuque. Je ne pouvais avoir vécu cette infamie. Je ne pouvais avoir commis ce crime, ce parricide. Mon père Joël, ma mère Geneviève, n'était pas mon père, ni ma mère. Et pourtant, ils l'étaient. Transfuge du sexe. Ils avaient vécu pendant presque 10 ans une autre vie. Ils s'assumaient autrement, sûrement, sexuellement, entre majeurs consentants. On a retrouvé l'arme du crime entre mes doigts. Et moi, je venais d'apprendre la réalité, cette autre réalité du mensonge. Je n'ai pas accepté, je n'avais déjà plus de repères visuels, auditifs, ceux de mon enfance. J'avançais à tâtons dans la vie, dans une maison qui était mienne. J'en connais les coins, les recoins au centimètre près. Rien ne devait bouger pour que je puisse évoluer sereinement, rien. Mon père Joël, ma mère Geneviève m'avaient installé un atelier où je pouvais créer librement. Pendant ce temps-là, il commuait, encore plus librement. De là à commettre ce crime, je suis suspect, forcément. Les apparences évidentes contre moi m'accablent. Incapable de communiquer ce que je ressens, incapable de dire que je ne sais pas ce qui s'est passé, ni comment. Tout m'accuse. Je suis le coupable, parfait, l'idéal meurtrier, et pourtant je ne me souviens de rien. Du sang séché sur les mains, larmes dégoulinantes de liquide visqueux, abreuvées de sa furie, elle me désigne comme étant l'acteur inconditionnel de sa furie. Mais qu'ai-je bien pu faire? Mon père, Joël, ma mère, Geneviève, ses amants, autrement, ont ainsi terminé tristement. Que peut-on bien faire de moi maintenant? Coupable, s'expriment en cœur les jurés qui n'ont nullement été émus par mes handicaps, qui n'ont nullement apprécié les détails de ma jeune vie et de ce que je suis censé en avoir fait. Je me vois courir, je me cogne contre les murs, trébuche contre des gens, je fuis, j'essaye, je glisse le long d'un corridor inconnu, je tombe. Je m'efforce de me relever, une rambarde s'offre à moi. On m'agrippe, je me débats, bascule, je veux vivre. Des sons stridents hurlent autour de moi, je ne les entends pas. Le vide, le choc, les os craquent. Une douleur immense se présente à moi et meurt aussitôt. Je ne peux plus bouger. Ma conscience s'évanouit. Un corps inanimé gît au milieu du parterre de marbre à l'entrée du tribunal. L'instant d'une seconde, tout s'est enfin arrêté. Les sirènes hurlent plus fort et se rapprochent de moi. Cette société n'a de fait plus rien à faire de moi. Quelques détails, quelques papiers à régler. Quatre planches à dresser. L'assassin sourit. Un innocent a péri. Et lui, il est libre, Max.